sens poétique. Je vais au devant des critiques. La forme importe plus que le fond, puisqu'en amour je tourne en rond. Je me délecte de la souffrance de ces histoires courues d'avance, où l'égérie, la dulcinée m'inspire ses déchirants couplets. L'amour comme un péplum, une super production, un curieux décorum pour mes désillusions. Mais comme dit Mylène Farmer, mon Dieu, à quoi je sers? Oh, moi je trouve ça tellement beau que j'en oublie tous mes mots, mes dictons, mes maximes, poussés au paroxysme, me mettent en disponibilité pour d'autres muses, d'autres fées. L'amour comme un péplum, une super production, un curieux décorum pour mes désillusions, oui mes désillusions. Pour mes désillusions, oui, mais...